suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis français, chez moi, chez moi. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée, chez moi, chez moi. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop foncé, chez moi, chez moi. Laisse-moi juste l'inviter à danser, chez moi, je vais l'ambiancer. Je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Juste l'inviter à danser, je vais l'ambiancer. Je suis noir, je suis beurre, je suis jaune, je suis blanc, je suis un être humain comme toi. Je suis chez moi, fier d'être français d'origine guinéenne, fier d'être le fils de Monsieur Diallo, éternellement insatisfait. À suivre. Tout l'été, 17h-20h, on prend la route des vacances. C'est que du fun sur Fun Radio. Bienvenue, c'est que du fun jusqu'à 20h sur Fun Radio pour m'accompagner comme chaque jour. Il y a l'homme à la casquette, Kaufman. Ça va, Kaufman? Bonjour. En pleine forme, taquet? Comme d'habitude, et toi, ça va? Oui. On te le demande jamais. Oui, c'est vrai, c'est gentil, merci. Oui, je vais très bien. T'as fait quoi aujourd'hui? J'ai lu quelque part sur Facebook que si tu gagnais au loto, ah oui, c'est vrai, tu partageais le montant de tes gains. Ouais, c'est vrai. Donc tu le dis publiquement aujourd'hui. Si je gagne 1,5 million, c'est le pactole qui est en jeu aujourd'hui. Ouais. Je partage les 1,5 millions. Je sais pas, mais on m'a aussi dit que tu rachetais Fun Radio. Avec les 1,5 millions, peut-être. C'est peut-être d'accord, jouable. C'est toujours bon à savoir. Je viendrai toquer demain matin chez toi si jamais tu gagnes. Faut liker à ce moment-là. Il y a également Laurence qui est avec nous. Ça va, Laurence? Ben, ça va super bien, et toi? Ouais, je suis en pleine forme, nickel. Pour l'émission, il y aura Sarah Al-Salov. Kaufman, toi, tu as levé sur quoi? Ah, bah j'ai levé sur une émission que j'aime bien. C'est quoi? Les Amours. Ouais. Avec notre ami Tex qui s'est fait un petit peu maltraiter. Ah. Gentiment, mais maltraité quand même. Et donc, on en parlera dans quelques minutes. Et toi, tu as levé ça. Laurence, toi, tu as râlé? Ouais, bah j'aime pas les embouteillages, hein. Je pense comme tout le monde, mais là, je prendrai plus le risque de me retrouver dedans, non? Ok, très bien. Il y aura également un super cadeau aujourd'hui, hein. Ah, bah oui, on vous l'a dit hier, on vous offre avant 20h. Ouais. La tablette, PC, le tout en un, la Acer One 10, le petit bijou de technologie que tout le monde souhaite avoir. Pour la remporter, cette tablette, vous pouvez continuer à participer, comme hier d'ailleurs. Oui. Vous envoyez PC au 6322, c'est 1€ par message. On vous expliquera qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette tablette, comment elle fonctionne. On vous donnera toutes les indications utiles et précieuses, mais en attendant, commencez à jouer. Vous envoyez PC au 6322, et comme on est mercredi aujourd'hui. Et mercredi, c'est quoi? Bah, c'est la journée des glaces. Ah oui, c'est à quelle heure déjà? Ah bah, il viendra à 18h au 33 avenue Télémac. Et vous pouvez faire pareil. Vous pouvez faire pareil puisqu'on vous fait goûter gratuitement le goût Fun Radio. Venez entre amis, venez en famille, venez nous dire un petit coucou. Nous faire plutôt un petit coucou. Et puis on vous fera la petite visite guidée des studios, hein. Je vous dis, vous comme chaque mercredi, à vous faire visiter l'intérieur de Fun Radio, j'allais dire, mais c'est un peu délicat de dire ça, l'intérieur des studios de Fun Radio. Très bien, ça se passe donc à 18h si j'ai bien retenu. 33 avenue Télémac, c'est bien ça? À Forêt, c'est bien ça. Ok, très bien, là il est 17h, ça va être l'heure des infos maintenant. Fun Radio. Les infos, c'est avec Carlo. Salut Carlo, il s'installe tranquille. Salut David, salut à tous. Donald Trump fait de plus en plus fort après s'être moqué des parents d'un héros de guerre américain d'origine pakistanaise. Voilà qu'il n'hésite pas à se lancer dans l'appel au meurtre. Bon, soyons un petit peu précis, hein. Ce qu'il a dit est assez ambigu, mais il y a facilement moyen d'interpréter ça de la pire des manières. Lors d'une réunion électorale, il a déclaré qu'Hillary Clinton, sa rivale démocrate, voulait abolir le second amendement de la Constitution qui garantit le droit de posséder une arme. Et il ajoute que seuls les partisans du second amendement sont à même de stopper Hillary Clinton ou les juges qu'elle pourrait nommer à la Cour suprême. Certains voient ça comme un appel au peuple à faire usage de ce second amendement et donc à se servir d'une arme contre Madame Clinton ou certains juges. En tout cas, c'est comme ça que pas mal de médias et d'observateurs interprètent ces propos. Mais il y a une deuxième interprétation, à savoir un appel aux partisans du port d'armes à se mobiliser contre Hillary Clinton en ne votant pas pour elle, tout simplement. Donald Trump affirme que ses propos ont été déformés par les médias, mais le problème, c'est que c'est lui qui les a tenus et il est capable de tout, surtout du pire. Chez nous, en parlant d'armes, les policiers ne sont pas franchement à l'aise vis-à-vis des terroristes potentiels, surtout depuis l'agression dont ont été victimes deux représentants des forces de l'ordre le week-end dernier à Charleroi. et si les djihadistes représentent une menace, c'est nettement moins le cas du reste de la population. Je veux dire par là que depuis 2010, les agents sont nettement moins confrontés qu'avant à la violence résultant de coups et blessures à leur égard. Et c'est vrai partout en Belgique, une diminution qui va de 50 à 75% selon les régions. Le cabinet du ministre de l'Intérieur, Yann Yannebon, explique que les policiers sont mieux préparés au terrain, mais on suppose que certains cas de violence n'ont jamais été enregistrés en fait. Je parlais de djihadistes, des gens qui n'aiment pas trop l'uniforme, que ce soit celui des policiers ou des militaires. Et c'est ainsi qu'on apprend qu'un terroriste belge, membre de Daesh, vient d'être tué, ou vient plutôt de mourir, de se tuer dans un attentat suicide commis contre l'armée irakienne. L'État islamique a fait une annonce à ce sujet évoquant un certain Abu Anwar al-Beljiki. On ne sait pas de qui il est question, mais son origine ne semble pas faire de doute. Il s'agirait ainsi du 106e belge membre de Daesh ayant trouvé la mort depuis que l'organisation terroriste perpètre ses crimes en comptant les assassins de Paris et de Bruxelles. Aux Jeux Olympiques de Rio, enfin, signalons la 3e victoire de suite des Red Lions, donc notre équipe de hockey sur gazon. Victoire de justesse face à l'Australie et celle en tennis de David Goffin en 2-7 contre l'Israélien Dudi Sela. En 8e de finale, le Liégeois affrontera le Brésilien Bellucci, 54e mondial seulement, mais qui vient quand même de battre le 21e, le Uruguayen Cuevas, et évolue devant son public, donc méfiance. Fun. Fun Radio. Avant le Sarah Salov, on fait un point sur la météo. Carlo, quel temps pour demain? Ouais, en principe, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il aurait dû faire dégueulasse. À Bruxelles, c'était pas inacceptable. Ouais. Même si, effectivement, il fait un petit peu caillant. Demain, pareil, entre 14 et 18 degrés. Et donc, en principe, beaucoup de nuages et quelques petites averses régulières. Voilà, prochain rendez-vous info dans une heure. Je vous laisse avec David et le son de Môme. Salut. Fun. Fun Radio. Retrouvez toutes vos émissions préférées dès maintenant sur Facebook, Twitter et Instagram. Vivez, partagez et communiquez avec vos animateurs préférés toute la journée, partout, tout le temps. Connectez-vous dès maintenant sur la page officielle de Fun Radio et likez les pages de vos émissions préférées pour ne rien rater. Fun Radio, chaque jour plus proche de vous. Fun Radio, le son dance floor. L'émission qui fait daber entre 17h et 20h, c'est que du fun sur Fun Radio. Of the world adored by turn trace. What's left to do but to feel it all? You're alive now, to die is dust. Nothing less or something more. Something more. Dance Floor continue avec Soprano sur Fun Radio. Le job s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait des pauses. Lui ont pris sa femme et ses pauses. Il n'a plus d'emprise sur le globe. Depuis qu'on lui a pris son job. Et c'est le moment de râler, de lover. On commence par Kaufman et son love. Ah oui, moi j'ai levé complètement sur Tex. Ça se passait ce mardi 9 août. Ouais. Et en fait, sur le plateau des amours, il a accueilli un couple originaire de la Meuse, dans le nord de la France donc. Ok. Le mec s'appelle Marcel. Et Marcel, il s'est laissé aller à une petite blague sur Tex, en le comparant à quoi? En le comparant à un blaireau. Je vous propose d'écouter. On écoute. Oh là, il y a un ordonnée dans la place. T'as vu que j'étais pas loin. Je les connais, les restos dans le coin. Ah, bon. S'il n'y a pas un cerf, il y a un sanglier. Sinon, il y a des blaireaux. Oui, mais il y en a un bon de blaireau, là. C'est un peu violent, quand même. Hein, bah, avec sa répartie, ça donne un beau moment de télé que j'ai apprécié. Je ne suis pas un blaireau. C'est Tex à l'appareil. Vous croyez que je vous écoute pas, les gars? Non, Tex. Ah, salut Tex, ça va? C'est à vous essayer de me faire passer pour un blaireau devant toute la Belgique que j'aime tant. Oh, là. Mais attends, attends. C'est le vrai texte là? Bah, je pense, c'est toi. Comment ça va? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, c'est le vrai texte. Ah ouais, pas vrai. On le reconnaît à la voix. Bien sûr. C'est ouf ça. Ça va bien, Tex? Mais ça va bien, les gars. Ouais, j'ai entendu parler de ce truc. Ils veulent mettre ça un peu partout là. Il y a un closer et tout. Il y a vraiment des gens qui n'ont rien à foutre. Hein. C'est un peu notre cas aussi, on n'a rien à foutre, c'est pour ça qu'on en parle. Est-ce que tu t'en souviens? De toute façon, je pense que l'Europe actuellement est sur l'option rien à foutre de rien. Il est cash, Dex. Ça t'a fait quoi au moment même où il t'a dit ça, le candidat? Mais c'est rigolo, d'autant plus que je peux vous dire un truc, c'est que c'est totalement vrai. J'ai traversé les Ardennes, vous qui connaissez, parce que c'est pas très loin de chez vous, Rochefort, etc., et Bouillon. J'ai traversé, j'allais à Rochefort d'ailleurs, et je traverse et je vois ce magnifique guanite que j'adore, le sanglier. Ouais. Vous le voyez ou pas, ce sanglier énorme qui a sur l'autoroute? Bah, un gros sanglier, ouais, quoi. Ouais, sûr. Non, attendez, c'est pas un gros sanglier, les gars, c'est un sanglier de 300 tonnes. Oh, c'est ah, un oui, sanglier okay. énorme qu'ils ont fait dans une aire d'autoroute. Ouais. Et voilà. Donc moi je connais bien, j'adore, bah, donc je vois il y a des sangliers et tout. Et un jour je m'arrête pour manger en Ardennes, dans les Ardennes, et le mec il y a des blaireaux empaillés. J'ai dit mais c'est quoi? Et il me dit mais je suis allé à la chasse il y a 2 ans, ils l'ont tellement beau, je les ai empaillés. Et j'en ai acheté un. Ah, carrément. Et j'ai chez moi un blaireau empaillé. Donc quand le mec me parle de ça, directement je me raccroche sur ce blaireau et voilà, j'étais une bonne balle et tout va bien, on est heureux. Et c'est parfait, t'es super rigolo à l'antenne, bravo en tout cas à toi pour ta répartie, c'était très marrant. Hein. En plus entre blaireaux on s'entend bien. Exactement. Allez bisous Tex. Merci Tex. Bisous Tex. Soyez heureux. Merci. Et, des bonnes vacances à tous nos amis belges parce que vous êtes vraiment les plus fun d'Europe. Merci, c'est merci Tex. Bisous Tex. Merci ma soirée. Merci beaucoup Tex d'être passé à l'antenne. Merci beaucoup. Bisous. Toi Laurence, tu as râlé hein? Ouais, sur les embouteillages parce que voilà, à Moscou, bah comme toutes les grandes villes, il y a plein d'embouteillages. Ouais. Mais à Moscou en fait et en Russie en général, les conducteurs ont des dashcams. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Ben c'est des caméras embarquées en fait dans la voiture. Et donc du coup, on voit un conducteur qui attend tranquillement les embouteillages et en fait juste devant lui, il y a une citerne. Donc un camion qui explose. Ok, ouais. Donc déjà ça, c'est un peu bizarre. C'est un peu chaud. Mais devinez, c'était un camion de quoi? Un camion de quoi qui a explosé? Bah je sais pas, de lait par exemple, non? Non, pire que ça, c'était un camion de caca. Oh non, il a reçu ça dans la figure. Eh bah ouais, c'est parti sur toute la route, c'était absolument dégueulasse. Donc moi je déteste les embouteillages, mais en plus c'est pour se ramasser plein de caca sur la voiture. Bah laisse tomber, je ne prends plus la voiture, merci, au revoir. Bien, ça t'a fait râler, Kaufman, oui. Non, c'est une histoire de merde. Pour la suite, ça se passe avec le combien ça coûte, on a plein de cadeaux à faire gagner, Kaufman. Hein. Ah oui, on est venu comme chaque jour grâce à Smart Toys avec des goodies jeux vidéo avant la fin de cette semaine, on fera gagner Dragon Ball. Très bien, tout ça, ça se passe juste après Soprano. Le diable ne s'habille plus en Prada sur Fun Radio. Monsieur,

one's desire. She's out to get you, you can't run, you can't hide. She's something mystical, they call her lies, I say. So far from typical, but take my advice. Before you play with fire, do think twice. And if you get burned, well baby, don't you be surprised. Sur Fun Radio, on continue le son Dance Floor avec le son de Boosty. Allez, place au combien ça coûte. Le principe est simple, j'ai un prix en tête et au 63,22, 1 euro par message. Vous devinez à quoi il correspond pour gagner des jeux vidéo, des packs fun et goodies collector, Kaufman. Exactement, on a fait plein de cadeaux cette semaine et depuis lundi, bah on vous les file, hein, on va pas les garder pour nous en même temps. Bien sûr. En plus, ça arrive très très vite. Hein. Tout le monde sur Fun Radio est sur sur le qui vive pour vous envoyer vos cadeaux. Donc et en plus, c'est offert par Smart Toys. Donc n'hésitez pas, vous participez avec nous au 63,22, vous indiquez votre réponse et nous on répond en même temps. Temps, hein. On vous dit si c'est bon ou si c'est pas bon. Bref, on joue ensemble, c'est beau l'amour. Le prix du jour, 66 euros. Laurence Kaufmann, vous allez poser des questions pour aider les auditeurs. Kaufmann, est-ce que c'est un produit électronique? Électronique, oui. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un accessoire de mode? Oui. D'accord, tu m'as l'air très très prudent dans tes réponses. Oui, je suis prudent parce que vraiment c'est un truc un peu ambigu, donc voilà. Est-ce qu'on utilise ça en intérieur ou en extérieur? Oh, les deux. Est-ce que ça fait du bruit? Non, oui, non, oui, non. Ah, oui et non. L'objet, c'est bizarre, l'objet ne fait pas de bruit en lui-même, mais il peut faire du bruit s'il est branché à quelque chose. Ah, ça se branche. Ah oui. D'accord. Est-ce que c'est un produit audio? C'est un produit audio, oui. Est-ce que ça se porte sur le corps? Ça se porte sur le corps, oui. Est-ce qu'on en utilise, nous, à la radio? Oui. Est-ce que ça se porte sur le haut du corps? Oui. Est-ce que il en existe de toutes les couleurs? Oui. Est-ce que les DJ en utilisent aussi? Oui, si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 6322 pour gagner des jeux vidéo, des goodies collector. Kaufmann, une question? Oui, est-ce qu'on utilise ça souvent connecté à son GSM pour écouter de la musique? Oui, je dis deux fois oui. On me dit des écouteurs au 6322. Non, ce n'est pas la bonne réponse, je ne peux pas accepter les écouteurs. Est-ce que on peut brancher ça aussi sur une chaîne Hi-Fi ou un truc comme ça? Oui, on peut brancher ça sur une chaîne Hi-Fi, oui. Alors, je sais que c'est pas l'objet, mais c'est pour aider les auditeurs. Oui. Est-ce qu'on est obligé, lorsqu'on fait de la moto, d'en porter un? Oui, effectivement. Donc, c'est le même mot. C'est le même mot, il y a un mot à double sens, effectivement. Laurence? Ben, j'ai plus de questions parce que j'ai trouvé. Tu penses avoir trouvé, oui. C'est bon. Kaufmann? Bien sûr, j'ai trouvé. T'as déjà trouvé aussi, parfait. Allez-y au 6322 si vous avez trouvé la bonne réponse. On me dit des enceintes. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Allez-y au 6322, on a plein de cadeaux à vous faire gagner. Des jeux vidéo, des goodies collector, des packs fun. Alors, ça commence par quelle lettre autour de la table? Un C. Un C, Kaufmann, tu valides aussi? Pas mieux. Pas mieux, c'est un C, effectivement. Je vous laisse le temps de booster pour envoyer la bonne réponse. Au 6322 et juste après je prends un gagnant. Cet été, tous les DJ sont sur Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. Maeva Carter, Mico C et Adrien Thomas mixent tous les plus gros tubes et les meilleures nouveautés en non-stop. Welcome in the biggest clubbing club. Party Fun. Party Fun. L'émission club de référence en Belgique. C'est sur Fun Radio.

Et on a des beaux cadeaux à vous offrir avec le combien ça coûte. Vous avez joué pour pas mal nombreux, hein. Il y avait beaucoup, beaucoup de SMS. Et quoi comme cadeau Kaufman a gagné? Ah bah, toute cette semaine, on vous offre des goodies collector à base d'Overwatch, un FPS qui a déjà séduit plus de 15 millions de personnes à travers le monde. Il y a des goodies Doom, il y a des jeux vidéo, il y a aussi, et ça c'est nouveau, des DVD Dragon Ball qu'on vous offre et tout ça. Sympa, eh bien, c'est signé Smart Toys, merci à eux. Merci Smart Toys, on va prendre notre gagnante du jour, s'appelle Nadine. Salut Nadine, ça va? Oui. Salut Nadine. Oui, un peu bloqué. Oui, je suis content d'être là, merci. Dis-moi Nadine, le prix du jour, 66 euros. Attends, on va pas direct à l'essentiel. Tu appelles d'où Nadine? J'habite de Fleroux. Ah oui, t'avais raison d'aller à l'essentiel pour qui? C'est où ça, Fleroux? Verviers et Liège. Verviers et Liège, Encore. Bah, ouais. Tous les jours, on a une liégeoise. Hein. Au moins une liégeoise par émission, effectivement. 66 euros, c'est le prix du jour. Ça correspond à quoi, Nadine? Au casque. Au casque, merci, Nadine. Dance. Bravo. Bravo, Nadine, tu repars avec un pack fun, hein? Ouais, on va te faire de. T'aimes bien les jeux vidéo, Nadine? Oui, bah, je les donnerai à mon fils. C'est gentil. Bah parfait, on va te faire un petit pack et on t'envoie tout ça très vite chez toi à Fleron. Fleron, j'ai pas compris, mais on t'envoie ça chez toi. Allez, bisous Nadine, bonne soirée. Oui, merci. De rien, bisous, Nadine. On prend tes coordonnées en antenne, ne bouge surtout pas Nadine. Pour la suite, ça se passe avec le Fun Beauty, Laurence. Ouais, on va parler de la tendance du zéro gluten. C'est quoi, pourquoi, comment? On en parle dans un instant. On en parle juste après Dua Lipa sur Fun Radio. He calls me the devil. I make him wanna sin. Every time I knock, he can't help but let me in. Must be homesick for the real. All the real estate gets. He probably still adore me. With my hands around your neck, can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from, yeah. The darker side of me that makes you feel so numb. Cause I like hell to burn when I'm not. Then you're by yourself. Man, the answer to your prayers. You're my manna from heaven. We all gotta get fed. Can't let me know I'm wanted. Can't let me in your head. I'm not here to make a deal, but it's praise that I get. You ain't gonna walk free, boy. Not finished with you yet. No, can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from? Yeah. The darkest side of me that makes you feel so numb. Cause I like hell to burn when I'm not. Then you're by yourself. Am I the answer to your prayers? I'm giving you the pleasure of heaven. And I'll give it to you hotter than hell. Le son dance floor continue avec Galantis. Dans quelques minutes, il y aura le fun game avec Kaufman. On évoque quoi aujourd'hui ? On évoquera pour commencer FIFA 17 qui vient de signer avec une division étrangère en foot et on vous explique ça dans quelques minutes. Très bien, là c'est le Fun Beauty de Laurence. Toutes les nouveautés beauté dans le Fun Beauty avec Laurence. Sans gluten avec gluten ? Exactement, parce qu'en fait l'alimentation sans gluten, bah, c'est devenu une mode quand même depuis quelques années. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler, les gars. Moi non, oui, bien sûr. Ah, comment on connaît, voilà. Ben voilà, dans les supermarchés, on voit de plus en plus de produits. Et en fait, l'alimentation sans gluten, c'est quoi? C'est une alimentation sans pain, sans pâtisserie, sans pâtes, sans semoule et sans plein d'autres trucs. Oh, on s'emmerde, quoi. Bah, c'est un peu, ouais. C'est pour être dépressif. Un peu, ouais, mais déjà, le gluten, c'est quoi? En fait, c'est une protéine qu'on utilise dans les pâtisseries et dans les pâtes pour, en fait, amener de l'élasticité à la pâte. Ok. Mais il y a des personnes, en fait, qui sont intolérantes au gluten. Ouais. Et de plus en plus de gens se considèrent comme intolérant au gluten. Mais une étude scientifique vient d'être menée, en fait, il n'y a que 1% de la population qui est intolérant au gluten. C'est une mode, ça, que les gens ont prise. C'est ça, c'est exactement ça. En fait, c'est une sorte de mode. Mais en fait, c'est scientifiquement fouillé. Il y a aussi des gens qui sont sensibles au gluten, mais c'est pas la même chose. Ok. Donc, en fait, il faut bien faire la différence. Donc, les intolérants au gluten, ben, eux, en fait, ils auront des symptômes comme des douleurs abdominales, des ballonnements ou, au pire, des diarrhées. Hein, ça arrive. Et en fait, les sensibles au gluten, eux, auront en fait une fatigue chronique ou des troubles digestifs. Donc, d'accord, c'est vraiment pas la même chose. Ouais, ouais. Donc en fait, un régime sans gluten, ben c'est bien, mais il faut d'abord en fait analyser le problème et voir si on est intolérant ou sensible au gluten. Et on peut aller voir un médecin pour ça ? On peut aller voir un médecin et au pire des cas, on peut quand même faire un régime sans gluten tout simplement pour sentir mieux. OK, très bien. Ouais ouais, okay. Et ça se trouve en grande surface, un peu partout, au Deleuze, au Carrefour, partout, il y a des aliments sans gluten. Et on perd du poids ou pas avec ça ? Oui. Ah, on perd du poids. Ah, c'est bon pour nous, Kaufman. Oui. En fait, s'intéresser à ce régime sans gluten. Non, t'es pas fan, toi. Bah, moi, j'ai été consulté un docteur très connu sur la question. Hein. Lequel ? Du gluten, il s'appelle. Ah, docteur gluten. Voilà, il m'a prescrit que du gluten, en plus. C'est sympa pour la suite, ça se passe avec un PC à gagner, Kaufman. Un PC tablette. Hein. Arrête de dire un PC. Je sais, oui. C'est vraiment un petit couteau suisse technologique qu'on vous l'offre aujourd'hui avant 20h. Vous envoyez PC au 6322. PC au 6322, c'est 1 euro par message et nous, on vous souhaite bonne chance. Oui, on développe tout ça, on développe les caractères. Caractéristique juste après Galantis avec No Money sur Fun Radio. I ain't giving you a dollar this time, I ain't. Allez, on rentre du boulot avec le son de Calvin Harris et Rihanna sur Fun Radio. Et aujourd'hui, on vous offre un énorme cadeau. On vous offre l'Acer One 10. C'est un mélange entre une tablette et un PC. On peut l'utiliser en tablette, normal. Et hop, on peut rajouter son clavier et ça devient un PC. C'est un énorme cadeau qu'on vous offre aujourd'hui. L'écran fait 10 pouces. Vous pouvez regarder des films, jouer à Pokémon Go, jouer à Candy Crush, faire du traitement de texte. Il y a même des caméras, double caméra, avant-arrière. Vous pouvez faire des selfies, vous pouvez aller sur Snapchat, Instagram. Bref, elle est parfaite, cette tablette, ce PC. C'est un très très beau cadeau. Et pour le gagner, vous envoyez PC au 6322. C'est 1€ par message. PC au 6322, 1€ par message. On va développer tout au long de l'émission avec Laurence et Kaufmann les caractéristiques de ce PC tablette. Ça vous va, Kaufmann? Oui. Comme ça, j'ai bien dit, ça oui, va. Oui, oui, tu as été. C'est mieux. Tu as été plutôt convaincant. J'ai envie de jouer. Ah, t'as envie de jouer. PC au 6322, c'est 1€ par message et on détaillera encore d'autres caractéristiques tout à l'heure, et notamment le fait que lorsque vous aurez cette tablette, vous pourrez faire des sessions privées. Chacun, chaque membre de la famille pourra avoir sa session privée, ce qui permettra cool. de ne pas vous engueuler. Voilà. Très bien. Gardez ces petits secrets. Pour cela, vous envoyez PC au 6322. On vous l'offre aujourd'hui, c'est sûr et certain. On vous l'offre avant 20h. Vous envoyez PC au 6322. C'est 1€ par message. Fun Game, Kaufmann, on va parler. On parlera de Electronic Arts qui a conclu un nouvel accord avec un championnat étranger. Et c'est plutôt très intéressant comme information. On en parle juste après Calvin Harris et Rihanna sur Fun Radio. Jusqu'au 31 août, il y a les offres exceptionnelles prêtes à partir sur des Citroën neuves suréquipées immédiatement disponibles. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. L'auto présente le mois de Wout, semaine 2. Un deuxième volet aussi bien que le premier, avec à nouveau 500 000 € ajoutés au jackpot. Ce mercredi, 1 500 000 € à gagner. Jouez au loto. et au calme sur Fun Radio. C'est que du fun entre 17h et 20h. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Posé sur Fun Radio avec le son d'Eva Simons. Avant les meilleurs moments de la Power, place au Fun Game de Kaufman. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games avec Kaufman de Smart Toys. Et on évoque quoi aujourd'hui, Kaufman ? On va parler du jeu le plus vendu en Belgique, à savoir FIFA 17. Ouais. Et EA Sports a annoncé une très très bonne nouvelle à l'attention de tous les gamers. Ils viennent de reconduire leur accord avec la première ligue anglaise. Autrement dit, vous pourrez encore voir l'année prochaine tous les résultats en live. Vous pourrez suivre la carrière de tous les joueurs. L'accord a été prolongé de 3 ans et c'est donc une très bonne nouvelle puisque les championnats ont maintenant de plus en plus de choix. Ils peuvent se tourner sur PES, ils peuvent aller sur FIFA, ils peuvent vendre les droits à des chaînes télé. Mais non, la Première Ligue a décidé de refaire confiance à Electronic Arts. Il faut dire que ça leur apporte aussi beaucoup de sous-sous, d'argent. Il y a quoi d'autre comme championnat disponible ? Il y a l'Espagne, il y a la Belgique dans une moindre mesure, il y a la France évidemment. Okay. Donc il y a quand même pas mal de choix disponibles. Il y a les plus grands championnats disponibles sur FIFA. Qui sort quand ? Il sortira, on l'avait dit, en fin septembre. Ouais, fin septembre. Octobre, non ? Non, fin septembre. Fin septembre, je vais vérifier les informations, mais je pense que c'est très fin bien. Septembre. Dans une heure, on évoque quoi ? Dans une heure, on évoquera un très très chouette plan. Je vous dirai comment recevoir 200 jeux totalement gratuitement. Gratos, c'est pour nous, c'est cadeau, c'est que du fun. Très bien, la suite du Sound Explorer, ça se passe avec Eva Simons. Et là, c'est les meilleurs moments de l'Happy Hour avec Audrey. Écoutez, ça s'est passé dans l'Happy Hour avec Audrey sur Fun Radio. Je vois. C'est l'heure de l'horoscope sur Fun Radio. Alors, vous avez eu droit à l'horoscope par Kéké et Sandro pendant quelques jours. Là. Là, aujourd'hui, on a du lourd. Attention, Fab est de retour. Et quand je dis lourd, c'est au sens propre et au sens figuré. Hein, parce que, fieux. Ça, c'est gratuit. Non, c'est pas gratuit, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ta convalescence? Parce que si vous venez de vous brancher sur Fun Radio, il faut savoir que Fab avait une tendinite de la patte doigt. Hein, oui. Le truc complètement improbable. Et donc, t'es resté affalé dans ton lit en train de bouffer des biscuits ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas fait beaucoup d'efforts pour. Ah, bah, ça se voit. Bon allez, on est parti en mode horoscope, on va vous dire signe par signe si vous avez bon goût en matière de vêtements, les béliers. Alors généralement, les personnes qui vous trouvent bien habillés, ben, c'est des enfants en difficulté scolaire de moins de 6 ans. Oh non, c'est pas gentil ça, Fab. Taureau. Au feu rouge, les Roumains ne vous demandent pas de pièces, ils vous demandent d'où viennent vos vêtements. Et les Gémeaux. Vous vous habillez tellement mal qu'on a donné un nom à vos vêtements, on appelle ça désigual. Ah mais ça j'aime bien, ça top là mon pote. C'est moche, hein, c'est moche, on dirait des boutons, c'est horrible. Oh, ma mère le porte du désigual, s'il vous plaît. C'est moche. Désolé, ça devrait être interdit. Les cancers. Vous mélangez tellement de couleurs différentes dans vos vêtements qu'un caméléon a fait une rupture d'anévrisme quand il vous a vu. Lion. On devrait rétablir la peine de mort juste pour vous punir de vous habiller aussi mal. Les vierges. La burqa est inventée pour vous empêcher de choisir vos vêtements vous-même. Mais Fab, arrête, on va avoir des problèmes. Les balances. Quand vous choisissez vos vêtements, même vos grands-parents se moquent de vous. Et les scorpions. Les vêtements que vous achetez sont un peu comme des petits orphelins africains. Ils sont abandonnés seuls dans les rayons parce que personne ne veut d'eux. Mais ça va toi? Pas de problème. Je suis de retour. Tu veux qu'on en parle? Il est malade ce mec, Sagittaire. Quand on vous voit débarquer avec vos vêtements, on se dit que vous êtes un peu comme le soleil. On peut pas vous regarder en face. Et Capricorne. On a vu des migrants descendre d'un bateau de sauvetage mieux habillés que vous. Oh mais non, putain, c'est pas possible, Verseau. L'avantage de porter des vêtements si moches que les vôtres, c'est que quand vous faites une tache dessus, personne la voit. Ah, et enfin les poissons. Vos vêtements sont pour la mode que ce qu'est un appartement à vendre en plein centre de Molenbeek pour l'immobilier. Même gratuit, personne n'en veut. Oh, il est en forme, hein, lui. Happy Hour avec Audrey du lundi au vendredi 17h-20h sur Fun Radio. Oh Lord have mercy on me, I don't know what I'm doing. Hope I will be just fine if I let my feelings out. For real I had a good time, just had enough of your mind. Can I really let you go? No. Escape from love. escape from love. Bon courage si vous êtes sur la route. La suite du son dance floor, Alex Jermis. Et dans 3 minutes, il est 18h. Et 18h, ça signifie quoi, Kaufman? Bah, ça sera l'heure de retrouver Carlo, évidemment. Mais pas que seulement. On est mercredi, c'est mercredi, 18h. C'est glacier, écoute, Laurent, c'est oui. J'ai entamé un régime. Non, je crois pas. Depuis quelques secondes. Quelques secondes, ah oui, voilà. Après m'être enfilé tout un paquet de tic-tac. C'est vrai, en plus. Mais king size, hein, le paquet, tu vois. Très bien, oui. C'est vrai, oui. Eh bien non, c'est vrai que le glacier va débarquer dans quelques secondes pour vous faire déguster, pour vous faire goûter, eh bien, au goût Fun Radio. Ouais. C'est un goût unique qu'on a créé pour vous et qu'on vous fait déguster tout cet été gratuitement. Vous venez au 33 avenue Télémac, vous prenez vos enfants, vos parents, vous prenez vos amis, hein, vous venez, c'est gratuit, c'est pour nous, c'est cadeau. Et en plus, on vous fait visiter les studios, ça se passe au 33 avenue Télémac, c'est à Forêt. On passe un bon moment tous ensemble chaque semaine, chaque mercredi à partir de 18h. Et il part quoi, vers 18h45, 19h? Vers 19h, oui, il reste une heure ici, 33 avenue Télémac à Forêt. Donc venez entre amis ou en famille. La glace Fun Radio, goût unique. Laurence a pu la goûter. Très bonne, hein. Oui, très bonne. Moi, c'est mon craquage de la semaine, hein. Ah oui, carrément. Tous les mercredis, je me fais craquage. Après, samedi, je vais au sport, mais faut venir goûter, c'est vraiment délicieux. Moi, tu me demandes pas si je l'ai goûté, par contre. Mais si, tu l'as goûté, toi, je sais très bien, attends. tu t'es enfilé tout le camion la dernière fois. Moi, je me suis fait très copain avec le glacier. Je vais chez lui le soir pour goûter la glace Fun Radio. Excuse-moi, j'ai pas bien goûté. Dans quelques minutes, le Sarah le salon. Laurence, tu vas lever sur quoi? Mais sur une femme qui a fait preuve de très peu de sang-froid dans une situation plutôt cocasse, mais j'aurais fait pareil. Donc Ok, très bien. Kaufman, tu vas râler sur quoi? Ah bah, je vais râler sur Facebook qui veut à tout prix nous faire voir sa publicité. Ah oui, j'ai vu ça. Ils changent leur algorithme tous les 4 matins, ceux-là. Hein. C'est infernal. J'en discutais avec Jean-Louis. Il s'appelle Jean-Louis Algorithme, justement. Allez, les 18h. Fun Radio. 18h, c'est l'heure des infos avec Carlo. Salut Carlo. Salut David, salut à tous. La Belgique, une des cibles privilégiées de l'État islamique. Bah oui, après la France, c'est surtout notre pays qui semble visé par les terroristes, qui a amené un prof du NIF du Texas à faire circuler une pétition aux États-Unis pour que le pays arrête d'envoyer de l'uranium en Belgique. Il faut savoir que le centre d'études de l'énergie nucléaire de Mol doit bientôt recevoir 150 kg d'uranium de qualité militaire en provenance des States. De l'uranium destiné à la recherche médicale notamment, mais qui, entre de mauvaises mains, pourrait servir à des choses pas vraiment recommandables. Hein. Or, on sait qu'à Mol, un directeur avait été espionné et filmé par Daesh. Attention danger donc, parce qu'avec cet uranium, il y a moyen de fabriquer une bombe atomique semblable à celle qui a explosé à Hiroshima. C'est ce qu'explique le professeur texan. Mais un de ses collègues belges se veut rassurant. D'abord, dit-il, les centres de recherche nucléaire sont surveillés aujourd'hui par des hommes en armes. Et puis, c'est pas évident du tout de voler de l'uranium enrichi placé dans un réacteur nucléaire. Rien que pour l'en sortir, il faut une véritable expertise. À propos des États-Unis, je ne sais pas si Donald Trump sera élu président de ce pays, mais un Donald Trump au pouvoir, il y en a déjà un aux Philippines. Même que le président Rodrigo Duterte fait bien pire encore, hein, lui qui a notamment appelé la population de son pays à tuer les dealers et même les tox, hein, prenant donc une justice très expéditive. Et tout comme Trump, c'est un habitué des déclarations borderline, on va dire, hein, lui qui vient de qualifier l'ambassadeur américain à Manille d'homosexuel et de fils de pute. Des propos pas très diplomatiques, hein, vis-à-vis du diplomate, et lui en veut en fait pour être intervenu pendant les élections, faisant des déclarations alors qu'il n'était pas censé en faire. Bref, le chef de l'État philippin s'est un petit peu lâché. Lui qui avait aussi traité le pape de fils de pute pour avoir provoqué des embouteillages. Il a dit, les États-Unis n'ont pas vraiment intérêt à disputer avec cet énergumène, vu que les Philippines sont un précieux allié de Washington en Asie du Sud-Est, notamment dans le contexte des petits problèmes territoriaux avec Pékin sur la mer de Chine méridionale. J'évoquais à 17h les Jeux Olympiques de Rio et les victoires de Goffin en tennis et des Red Lions en hockey sur gazon. Bah, il s'est évidemment passé beaucoup de choses intéressantes la nuit dernière, à commencer par les 2 nouvelles médailles d'or de Michael Phelps en natation, ce qui porte son total à 21 médailles d'or, en plus de 4 breloques dans un métal moins précieux. Plus que jamais donc, l'Américain est l'homme le plus titré de toute l'histoire des Jeux. En tennis, la numéro 1 mondiale n'a pas fait beaucoup mieux que le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, puisque Serena Williams s'est sèchement inclinée au 3e tour face à l'Ukrainienne Svitolina, signalant enfin qu'en boxe, les professionnels ont le droit de participer aux JO depuis cette année. Ils sont 3 à s'être rendus à Rio et ils ont tous les 3 été battus par des amateurs. C'est un petit peu la honte quand même. Avant le Sarah Salov, on fait un point sur la météo. Carlo, est-ce qu'on va revoir le soleil bientôt ? Bientôt, oui, sûrement, mais pas demain. Pas demain, avec une journée pourrie en principe, hein, 13-17 degrés, pas plus, des nuages et des averses également. Allez, prochain rendez-vous info dans une heure. Je vous laisse en compagnie de David et du son d'Alex Germis. Salut. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. La radio connectée avec vous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Toute la journée, partout. Fun Radio. Fun Radio. Maintenant, suivez-nous sur tous les réseaux. Fun Radio. Le son Dance Floor. C'est que du fun. 17h-20h sur Fun Radio. Sometimes it's hard just trying to hold on. Sometimes all that you want is to go home. Sometimes you know you're stuck in the trap. Sometimes you just keep feeling the struggle. I know I took it upon myself that I can find a way to hide all the dreams I fell so far. Kaufman, tu vas te régaler là. Ah, c'est bon. Ah bon? Le glacier est arrivé, Kaufman. Oui, c'est pour toi. Arrête, je viens de commencer mon régime. 33 avenue de Télémac, il est là pendant une heure à Forêt. Vous pouvez venir, c'est gratuit. On vous offre la glace au goût. Fun Radio pour la suite du son Dance Floor. Ça se passe avec Beyoncé et Shakira. Et là, c'est le moment de râler, de lover. On commence par Laurence qui a lové. Alors oui, quand on est en couple, généralement, bah, on vit ensemble. Oui. Mais des fois, on est amené à partir voilà, pour le travail ou quoi. Et donc, du coup, une jeune femme thaïlandaise était partie pour le travail. Et du coup, elle rentre un peu plus tôt. Ouais. Et elle rentre chez elle, elle voit des chaussures qui ne lui appartiennent pas, des chaussures de femme. Oh, mince. Et donc, du coup, elle continue son enquête et tout. Elle rentre dans le salon, elle voit son mari en train de s'amuser avec sa maîtresse. Hein, sympathique, donc, comme retour. Sympa, hein. Ouais. Et donc, du coup, bah, ce qu'elle fait, c'est qu'elle dégage en en fait gentiment la maîtresse, elle la fout dehors. Normal. Toute nue. Ah, toute nue. Oui. Ah oui, sympathique qu'elle ait donc. Et elle prend le soin comme de filmer. Oh la vache, elle a filmé ça en plus. Sur les réseaux sociaux après. Exactement. Oh là là. Mais faut savoir comme le mari a eu la gentillesse de ramener le sac à la pauvre maîtresse. Hein. Elle était toute nue dehors en pleurs. Il lui a ramené son sac. Il était gentil, mais non, tu dégages. Et donc voilà, moi j'ai lové parce que j'aurais fait exactement comme cette gentille femme. Du coup, elle a demandé le divorce. Ah oui. Et la maîtresse a porté plainte pour coups et blessures. Ah, très bien. Kaufman, t'aurais fait quoi toi? Moi j'ai besoin de voir des images avant de me prononcer. Très bien, Kaufman, toi tu as râlé. Hein. Bah oui, j'ai râlé parce que Facebook veut nous faire manger sa publicité à toutes les sauces. Je sais pas si vous utilisez les logiciels. Adblock, etc., ouais. qui vous ouais. empêche de voir la publicité, enfin qui vous protège plutôt contre la publicité, eh bien Facebook a décidé de bloquer les logiciels anti-pub. Oh. Et le donc, blocage qui bloque le petit blocage. Exactement, et donc de vous obliger à voir la publicité sur Facebook, mais promet en échange une publicité plus ciblée. Autrement dit, on n'est pas sorti de l'auberge espagnole. Mais ça va être bête parce que Facebook va vouloir mettre en avant ses pubs et voilà, ça c'est pas très bien pour nous, ça, Kaufman. Bah, c'est une mauvaise nouvelle, non? Bah, j'en sais rien. En tout cas, moi, je suis heureux parce que quand je me connecte sur Facebook, c'est sur le Facebook de Fun Radio, donc tout va bien. Très bien. Pour la suite, on a un PC tablette à vous faire gagner. Oui. Ah, je vois que déjà, c'est plus un PC. Début de semaine, c'était PC. Non, maintenant, c'est PC tablette. C'est PC tablette. Je pense que l'enseignement porte ses fruits. On a un petit bijou technologique à vous faire gagner pour le remporter. Vous envoyez PC au 63-22, c'est 1€ par message. Et dans quelques minutes, on vous expliquera qu'est-ce que vous pourrez faire avec. Très bien. Juste après Beyoncé et Shakira sur Fun Radio. La suite du Sundance Floor, ça se passe avec Jonas Blue. Que la glace est bonne, Kaufman. Hein. Ah ben, je viens de terminer, ouais. C'est un régal pour Kaufman. Et on va parler d'un PC tablette qu'on a à vous offrir aujourd'hui. Hein. Oui, un PC tablette qui, en fait, va vous permettre de faire à peu près ce que vous voulez. Jouer, d'une part. Vous savez que ça me tient à cœur de pouvoir jouer sur une tablette. J'ai testé la 2D. J'ai testé la 3D. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne plutôt même très, très bien. On peut faire du traitement de texte. On peut regarder les films en haute définition puisque la tablette est équipée d'un écran qui vous permettra de voir et de ressentir la HD. Niveau connectique, c'est très très bien. On trouve un Wi-Fi, évidemment. On trouve un connecteur Bluetooth. On trouve un HDMI. Un HDMI, on trouve un port USB, on trouve encore un port mini USB si vous êtes à la pointe de la technologie. Et pour couronner le tout, deux capteurs photo, un avant, l'autre à l'arrière, 2 millions de pixels si vous avez envie de skyper, si vous avez envie de faire des petits reportages photo. Le tout est à votre portée, l'engin a vraiment tout pour plaire. Moi je l'ai appelé le couteau suisse technologique. Et comment on fait pour le gagner? Bah attends, j'ai pas fini les explications. Ah, t'as pas fini? Il y a une longueur d'explication. C'est une tablette hybride, c'est un notebook sous Windows qui devrait vous permettre de nombreux usages. Bah, si vous voulez la gagner, eh bien, une seule solution, ça se résume en deux lettres. Vous envoyez PC au 6322, c'est 1€ par message. Avant 20h, on fait gagner cette tablette. Ok, très bien. 6322, vous envoyez PC. Ouais. PC au 6322. Je le sais, clair. Oui, c'est très clair. Merci. Tu me sembles un peu dissipé aujourd'hui. Merci Kaufman, tu peux y retourner manger ta glace, c'est merci. Parfait. Pour la suite de l'émission, ça se passe avec le Topito, le top 5 des sites de rencontres originaux. On a encore des cadeaux à faire gagner avec la ville mystère. Il y aura aussi le fun game avec Kaufman. On va parler de quoi? Eh bien, on parlera de 200 jeux gratuits et je vous donne le plan. Mais alors là, vraiment, le plan de ce mercredi. Et très bien, il y a également le son Dance Floor avec Jonas Blue sur Fun Radio. Bonjour. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Ah, pour moi un... Oh oui, bonne idée, tiens. Pour moi aussi, ce sera un... Ah oui, moi aussi, mettez-moi un... Bien, donc, trois... Il y a un problème? Ouais, comment ça s'écrit? Bah, tout simplement, comme ça se prononce... Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola. Par Idéfix, participe à l'action collector Astérix aux Jeux Olympiques. Découvre notre box collector à 4,99€, remboursé en points sur la carte de fidélité jusqu'au 18 juillet. Dans les supermarchés Matches Match, Louis Delhaize et dans les hypermarchés Cora. Fun, Fun Radio. Fun Radio. Fun. Le sauce. Dance Floor. She's Miss California. Mais je résiste. Loin, je dois rester loin de cette fille-là. Pourtant, même si tout nous oppose, raison ou tentation, pourtant j'hésite. Lorsque je plonge dans ses yeux noirs, c'est toujours la même histoire, la même envie de la serrer fort contre moi jusqu'au bout de la nuit. She's Miss California. Part of me wants to lay. Mieux pourquoi? She's Miss California, c'est trop pour moi. Superficiel, je crois. Je ne me vois pas perdu dans un monde qui ne me ressemble pas. Loin d'une réalité qu'elle a semblé oublier. Elle m'a emmené, j'ai voulu tenter le coup. Avec elle, j'ai voulu jouer. Mais l'amour m'a rendu fou. She's Miss California. Surrounded.

brand. I just don't understand. And now I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand. The years go by too fast. I can't keep track. How long did we last? I feel bad for asking. It can't end like this. We gotta take time with this. Cock up your bomba, sit down, bonita. Let me see if this is something I can fix. Yeah. You got somebody other than me. Don't play the victim when you're with me. Free time is costing me more than it seems. Sacrificing things, and I wanna tell you my intentions. I wanna do the things that I mentioned. I wanna benefit from this friendship. I wanna get the late night message from you. From you. I put my hands around you. Gotta get a handle on you. Gotta get a handle on the fact that I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. Allez, la fin d'après-midi tranquille sur Fun Radio avec le son de Tiesto à suivre. Dans quelques minutes, la ville mystère et le fun game de Kaufman. Mais là, c'est le topito du jour, le top 5 des sites de rencontres originaux. En 5ème position, Cooking Romance. Alors, à votre avis, comment se font les rencontres sur ce site internet, Kaufman? En cuisinant. En cuisinant. Ah, bien, Kaufman. Effectivement, site sur lequel les rencontres se font via la gastronomie. Mais c'est mimi. Ouais, c'est très mimi. D'ailleurs, vous pouvez venir goûter la glace Fun Radio jusqu'à 19h. Oui. C'est gratuit. Et c'est au 33 avenue Télémaque à Forêt que ça se passe. C'est gratuit. Venez en famille, entre amis, jusqu'à 19h. Non, vous n'êtes pas trop nombreux, il y en aura plus pour moi. C'est vrai. Quatrième position, Gothic Match. Alors là, à votre avis, ça se passe comment, les sites de rencontres? C'est une histoire entre gothiques. Ouais, c'est une histoire entre gothiques. Faut venir habillé en noir, en fait. Ah ouais? Ouais, si t'es pas en noir, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, tu peux pas rencontrer quelqu'un. Noir, ça enfin, c'est pas forcément gothique. Moi, je m'habille très souvent en noir, je me considère pas comme gothique. Non, mais c'est le site qui veut ça. Bah, si on te considère comme une gothique, en fait. Troisième position, Geek to Geek. Voilà, Kaufman doit connaître ce site de rencontres. Écoute, j'ai rencontré ma femme comme ça. Bah voilà, c'est le site de rencontres pour gamers. En deuxième position, Veggie Date, à votre avis? Comment? Veggie. Ouais, bah oui, les végétariens. Les végétariens, ouais. Ouais, végétariens, effectivement, bonne réponse. C'est un site sur lequel on trouve que des végétariens. Ah, c'est marrant. Et en première position, voilà, tout est dans le titre, Rencontre Moche. Bon, voilà, vous avez compris. Oh non. Si vous êtes célibataire depuis 20 ans. Je suis le président, moi. Très bien, pour la suite, ça se passe avec la ville mystère. On a plein de cadeaux à vous faire gagner, Kaufman. Hein. Oui, des goodies collector, des jeux ainsi que. Eh bien, c'est une nouveauté, des DVD Dragon Ball. Chez qui ce DVD va-t-il repartir? On le sort avant la fin de cette semaine. Vous inscrivez, hein? Sinon, ça se passe dans la ville mystère, hein, quelques minutes, juste après. Oui. Tiesto sur Fun Radio avec Summer Night. I see you in my head. You ain't like the rest. You ain't bringing me down, baby. You're right next to me. We're making history. The sun's about to go down, baby. Summer lights, getting high like the first time. You and I, make it last forever.

Allez, on reste branché sur Fun Radio avec le son d'Imani. Dans quelques minutes, le Fun Game, on va dévoiler 200 jeux à gagner, c'est ça? On va vous donner la possibilité d'installer 200 jeux gratuitement chez vous. C'est le bon plan de ce mercredi au niveau jeux vidéo. Très bien, maintenant place à la ville mystère. Le principe du jeu est simple, j'ai une ville en tête. Et au 63,22€, 1€ par message, vous allez devoir retrouver la ville. On a plein de cadeaux à vous faire gagner, jeux vidéo, c'est ça? On a des goodies, des jeux vidéo, des packs collector. Tout ça, c'est pour vous. Hein. On doit débarrasser quand même. Hein. Je vous rappelle que vous retrouvez l'Happy Hour à partir du 22 août. Hein, donc nous, débarrasser tous les cadeaux qui restent, voilà. Avant, donc pour le vendredi 19, tout doit partir, tout doit disparaître, comme disait l'autre. Très bien, et ça se passe dans la ville mystère. Laurence Kaufmann, vous allez poser des questions et aider oui. les auditeurs. On commence par une question, Kaufmann. Oui, est-ce que c'est une ville en Europe? Oui. Est-ce que c'est en France? Non. Est-ce que c'est en Italie? Non plus. Est-ce que c'est en Allemagne? Toujours pas. Est-ce que c'est en Belgique? Oui. Est-ce que ça fait partie de la région Wallonne? Non. Est-ce que ça fait partie de la région flamande? Non plus. Ben, est-ce que ça fait partie de la région Bruxelles-Capitale? Oui. D'accord. Bon, bah là, on a fait avancer sur 1000 vies. Ah oui, ça avance très vite. Hein. Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 6322. Est-ce que c'est la ville dans laquelle on trouve le Mannequin Peace, le oui. Tom Yum? Oui. Est-ce que c'est la ville qui comprend plusieurs communes? Plusieurs communes? Bon, oui, non, bof. Bon, c'est pas c'est que... quand il sait pas quoi dire, il dit oui, non, oui, non. En fait, t'as donné toutes les réponses là. Oui, non, bof, c'est à peu près tout ce que tu voulais dire, quoi. Autre question, Kaufmann. Oui, est-ce que il y a la foire du midi actuellement dans cette ville? Oui. Et c'est quoi la rue commerçante? La rue commerçante, on peut dire rue Neuve. Rue Neuve. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a la bourse dans cette ville? Oui. Est-ce qu'il y a l'ULB? Oui. Bon, vous avez trouvé? On va pas se mentir, je pense qu'on a trouvé. Oui, hein. Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 6322. On a des jeux vidéo à vous faire gagner, des packs fun et des goodies collector. Je vous donne quand même un indice sonore pour vous aider. Allez, pourquoi indice sonore. Pas, oui. C'est parti. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Voilà, c'est clair comme indice. Hein. Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 6322. Ça commence par quelle lettre à la ville? B. B, ouais. Par un B comme la Belgique, et c'est la capitale de la Belgique. Donc allez-y, hein. Je prends un gagnant juste après. Imani sur Fun Radio. Prenez une bonne dose de fun. Ah. Tout l'été. Dès le matin, réveillez-vous avec Summer Fun. Toute la journée, du son dance floor sans arrêt sur Fun Radio. À 17h, c'est que du fun. Et dès 20h, c'est parti fun. La radio de la teuf, tout l'été, c'est Fun Radio, le son dance floor. C'est l'été. Et qui dit été dit... Hé hey Phil, ça roule. Dis-je pars lundi en vacances, tu peux me déposer à l'aéroport? Mais en fait, ce que votre ami veut dire, c'est... Phil, dis-je pars me dorer la pilule au soleil. Il faut que tu passes 2 heures dans les emboutes pour me déposer et puis repartir chez toi. Enfin non, pas chez toi, au boulot. C'est lundi, c'est vrai. Allez, merci, hein, ciao. Rendez-vous service et faites plaisir à vos amis en devenant ami chauffeur. N'allez pas à l'aéroport, mais à une gare SNCB, où ils prendront le train de l'aéroport. Vous évitez les bouchons et pouvez même remporter des vacances de rêve. Participez au concours sur amichauffeur.be. Le train. Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. Je me lance, je m'en fiche de ce que les gens pensent. Ces regards qu'on me lance, désormais je m'en fous. Et j'avance, tant pis si cela t'offense. Ton avis n'a pas de sens, aujourd'hui je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, j'entends plus, je fais le tour. Je m'en fous, laisse-moi va faire un tour. Pourquoi tu me tournes autour? Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Arrête, tu sais plus. Rien ne me blesse.

Elle sera notre invitée exceptionnelle lundi prochain. Unique arrive sur Fun Radio. Et on va découvrir la bonne réponse pour la ville mystère. Pour ça, j'accueille Hugues qui est avec nous. Salut Hugues. Oui, bonjour. Salut Hugues. Tu t'as pas besoin de dire bonjour, salut. Bonjour, bonjour. Tu lui fais Hugues et ça suffit. Comment ça va, Hugues? Oui, on ne l'a jamais fait celle-là. Ah, c'est vrai. Ça va bien? Ça va. Oh, quand on a gagné. Non, bah oui, Bah, ça, on doit encore vérifier, Hugues. Bien sûr. Mais pas la chance. Ouais. Avant les bœufs. Oui, j'ai dû chercher. On va vérifier maintenant. C'était quoi la bonne réponse, la ville mystère? Bruxelles, on vérifie. Fun Radio! Bravo, c'est la bonne réponse. Bravo Hugues, tu repars avec un beau cadeau Hugues. Ouais, t'aimes bien les jeux vidéo Hugues? Mais en fait c'est pas pour moi que j'ai joué, c'est pour mes enfants. Oh, c'est mignon. D'accord, bah on va t'offrir des coups. Voilà, je joue avec eux aussi. Ah bah très bien, magnifique Hugues. Faut pas le cacher. Vous jouez à quoi là pour l'instant ensemble? On joue à FIFA. À FIFA, bah t'as entendu la grande nouvelle. Ouais, on est fans de foot donc... Ok, bon, on va t'offrir des goodies jeux vidéo histoire de faire plaisir à toute la famille. Allez, ça va Hugues, bonne soirée Hugues, hein. Bisous. Oui, merci. On prend tes coordonnées en antenne Hugues, salut, bisous. Hugues. Oui, il est parti. Laisse tomber. Je lui disais au revoir. Ah, ok. Allez, le fun game avec Kaufman. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le fun games avec Kaufman de Smart Toys. Et on peut avoir des jeux gratos. Ouais, 30 ans après ses débuts sur le marché français, l'Amiga reste dans les livres d'histoire comme un vaillant ancêtre de nos ordinateurs personnels, ce qui a fait fonctionner avec fierté bon nombre de jeux sur disquette. Je sais pas, vous avez pas connu ce temps-là, vous? Non. Aujourd'hui, sa ludothèque, autrement dit son catalogue de jeux qui était complètement gigantesque, surdimensionné, pointe à nouveau le bout de son nez sur nos navigateurs. En effet, le site archive.org, qui se donne pour mission de valoriser des documents, images ou encore programmes tombés dans le domaine public, a rendu disponible plus de 2000 jeux sortis sur Amiga. C'est non pas 200 comme j'annonçais, mais bien 2000 jeux. 2000. Parmi eux, les légendaires Bubble Bubble, Lemmings ou autres Turrican. Et encore bien d'autres. Et il suffit de vous rendre sur ce site et vous pourrez y jouer sur votre navigateur. Ils ont mis tout ça dans le domaine public pour que vous puissiez avoir accès à ces 2000 jeux, mais que vous puissiez aussi y jouer. Donc sur PC, c'est bien ça, hein? Exactement. Dans votre navigateur, vous connectez sur archive.org, c'est bien ça. Et puis ensuite, vous sélectionnez les jeux Amiga, vous choisissez lequel vous avez envie et il se met en route dans votre navigateur. Archive.org. Je vais vérifier encore une fois. Archive.org, ouais. Ah, c'est tout simple comme adresse et on peut jouer à plus de 2000 jeux gratos comme ça. Exactement, ils sont tombés dans le domaine public et donc forcément, il n'y a plus de droits de propriété intellectuelle dessus. Et c'est forcément gratuit après. C'est gratuit, ouais. Ah, c'est un truc de fou, ça, je savais pas. Ça veut dire quoi? C'est que dans quelques années, tout ce que tu dis à la radio pourra être réutilisé. D'accord, ça sera gratuit en plus. C'est-à-dire que FIFA, dans quelques années, pourrait être gratuit. Ouais, sauf que FIFA sort un nouveau jeu chaque année. Ouais, bien sûr. Donc ils renouvellent la licence. Ouais. Une fois qu'ils arrêtent, après, il y a 20 ans, ça. Ah, ouais, il sent le business, celui-là. Il c'est a ça. Le pif. Dans une heure, on évoque quoi, Kaufman? Eh bien, on vous fera gagner un jeu. On fera gagner un jeu? Ah, ouais, t'étais pas au courant. Ah, non, j'étais pas au courant. Ah, pourtant, c'est marqué sur ma feuille que tu lis chaque jour. Jeu à gagner. Ah parfait, très bien. Technomancer sur la console de votre choix, Xbox One ou PS4, c'est pour moi, c'est cadeau, c'est que du fun. Très bien, il vous reste quoi, 5 minutes, 10 minutes pour aller manger une glace, Kaufman, c'est bien ça, hein? Ah oui, 33 avenue Télémac à Forêt, le glacier Zizi nous fait l'amitié de passer. Ouais. Une fois que vous arrivez là, vous verrez, il y a un petit passage vous menant sur notre parking secret. Et ensuite, on vous fait visiter les studios Fun Radio, c'est au 33 avenue Télémac à Forêt. Il vous reste 10 minutes pour aller manger la glace Fun Radio au goût unique. Fun Radio, Laurence l'a goûté, Kaufman l'a goûté, Kaufman l'a goûté, Kaufman l'a re-goûté. Il l'a trop goûté, Kaufman, et il a grossi. Je sens bien la glace. Pour la suite du son Dance Floor, ça se passe avec Unique, et là c'est les meilleurs moments de l'Happy Hour avec Audrey. Écoutez, ça s'est passé dans l'Happy Hour avec Audrey sur Fun Radio. On parle de comment on dort dans le lit, parce qu'il y a une info qui est tombée sur les hôtels à Bruxelles. Il paraît que si on se pointe en pyjama, on a 50% de réduction, les gars. Ça vaut le coup de sortir son pyjama. Ah. Tu vois, c'est un peu... Du coup, on va faire un truc. On va foutre le bordel, parce que de toute façon, on fait jamais comme tout le monde. On va appeler un hôtel. On appelle où, Kéké? À Charleroi. Ah, quelle bonne nouvelle. Wow. Tu peux arrêter d'appeler dans la ville d'où je suis originaire. Mais non, c'était le but, en fait. Et j'aimerais pouvoir y retourner de temps en temps. Moi, je leur dis après, dans ce film des hommes, que c'est toi qui m'as obligé. T'appelles l'hôtel et tu demandes si tu viens un poil. Okay. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir des réductions? Vas-y, fais-les chier un peu. Allez. Je vais le faire en bourré. Ah ouais, vas-y, c'est bien ça. Leonardo, c'est moi, je vois. Oui, allô, bonjour, monsieur. Bonjour, je m'appelle... Oui, c'est moi. Je m'appelle Fab. Je vous appelle pour la promotion, s'il vous plaît, que j'ai vue dans le journal. C'est quoi la promotion ? Qu'on vient en pyjama chez vous, on a 50% près sur la chambre. Oui. Oui ? Oui. Ok, super. Alors moi, le truc, monsieur, c'est que je dors pas avec un pyjama, parce que la nuit, j'ai chaud. Moi, je dors tout nu. Donc, y a pas de souci, hein. Oh, bah, ok. Bah, alors, c'est gratuit si je dors tout nu pour moi. Voilà, exactement. Ça, c'est super. Alors, ce que je vais faire, je vais quand même mettre des slash parce qu'il fait froid dehors. Ne vous inquiétez pas, on verra rien, il y a des poils. J'ai plein de poils. Je vais venir avec mes poils. Et donc, c'est la chambre gratuite si je viens tout nu. Alors, c'est vous, monsieur. Allô, monsieur. Oui, je vous écoute. Oui, voilà. Non, j'ai pas l'impression. Oui, oui, non. Ah, ok. J'ai dit si je viens tout nu, alors c'est vous, j'ai la chambre gratuite. Voilà, il n'y a pas de souci. Ok, super. Par contre, il y a quelqu'un qui peut dormir avec moi parce que j'ai peur la nuit. Pardon ? Il y a quelqu'un qui peut dormir avec moi parce que j'ai peur la nuit. Oui, il n'y a pas de souci, je viendrai avec vous. Hein. C'est vrai ? Oui. Monsieur, vous êtes super gentil. Vous dormez tout nu aussi ? Oui, j'ai fait une exception. Oh, monsieur, vous êtes super gentil. Alors, c'est au nom de Fab, et puis je vous dis à tout à l'heure, monsieur. Ok, ça va, à tout à l'heure. Bravo monsieur, il a raccroché du coup. Fab, j'ai l'impression que tu vas conclure. Eh ouais, regarde. Moi je vais m'éclater ce soir. Boum. Il l'a raccroché, il est déjà en train de se préparer, de mettre sa petite tenue. N'empêche que moi il s'est foutu de ta gueule, genre, mais tout le long quoi. Oui, oui bien sûr, oui toi aussi. Ça mériterait qu'on débarque chez lui à poil. On le fait. Non. Si, tape-toi la main, vas-y on le fait. Non, je tape pas dans ta main. Non, je n'irai pas tout le genre de roi. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Oh Lord, have mercy, mercy, mercy. Money them and a party, party, party. The all of them sexy, sexy, sexy. Watch them just to follow me, follow me, follow me. Have mercy, mercy, mercy. None of them no move me, move me, move me. Shy guy, yeah, me want you, want you, want you. Only he can make me higher, higher, higher, higher. Fire, bang, bang dans le cœur des hommes. J'aime quand tu lis entre mes lignes. Pas que tu touches, mais que tu m'imagines. Je slalom entre toutes tes belles paroles. Je les ai mis tout sur le bas-côté. Pas besoin d'un homme pour exister. Parler, parler, t'as beau parler, parler. Je veux des gestes, pas des mots pour me faire rêver, rêver. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh Lord, have mercy, mercy, mercy. The money them in a party, party, party. The all of them sexy, sexy, sexy. Watch them just to follow me, follow me, follow me. Have mercy, mercy, mercy. None of them no move me, move me, move me. Shy guy, yeah, me want you, want you, want you. Only he can make me higher, higher, higher, higher. Fire, sur tous ces beaux parles-là. Apprends à voir ce que j'ai dans les pupilles. Ce qui te casse tous mes talons aiguilles. Je m'envole, non personne ne m'impressionne. Même si ton regard me déshabille. Même si tu sais viser dans le milieu. Parler, parler, t'as beau parler, parler. Je veux des gestes, pas des mots pour me faire rêver, rêver. Oh, oh, oh, oh, oh. Baby, baby, let it go. Mets de côté ton ego. Essaie de voir sous ma peau. Cette fois, je t'emmènerai dans mon monde. Dans ma lumière, dans ton monde. Si tu sais marcher dans mes pas. Le son dance floor continue avec David Guetta sur Fun Radio. This one is for Il vous reste moins d'une heure pour gagner le PC, la tablette Acer One 10 Lance. Ouais, on fait gagner le PC 2 en 1 Acer One 10. Donc c'est un PC en fait convertible en tablette. Et après ça devient un PC, c'est un peu comme on veut. C'est super pratique. Il y a le clavier qui se détache, c'est ça? Exactement, exact. Ouais. Et après il est aimanté. Donc okay, pas besoin de fil et tout, on galère pas. Et c'est vraiment super bien, c'est pratique même pour aller en cours hein, parce qu'on prend des notes et tout dessus. C'est vraiment nickel pour la rentrée. Donc on envoie PC au 6322, c'est 1€ par message. 1€ par message, vous envoyez PC au 6322, il y a plein de connectiques dessus, Kaufman. Hein. Oui, vous trouverez du Bluetooth, vous trouverez du Wi-Fi, vous pourrez mettre une carte SD histoire d'augmenter la mémoire de cette tablette et en faire un ami finalement. Tu vois, la tablette, ça devient un ami parce que tu la prends partout, tu lui confies tes secrets en mettant tes fichiers, c'est vrai, tu lui murmures à l'oreille quand tu fais des discussions Skype. Ouais. Bref, ça devient un inséparable. En plus, il est équipé de 2 appareils photo pour te prendre sous tous les angles, pas mal, avant, à l'arrière, 2 millions de pixels. L'engin a tout pour plaire, je vous le répète, c'est un couteau suisse technologique, un hybride tablette, un netbook sous Windows qui devrait permettre en tous les cas de nombreux usages, que vous soyez sédentaire ou nomade, que vous bougiez beaucoup ou vous vouliez l'utiliser à la maison. En plus, la capacité de batterie, la qualité du Wi-Fi, la vitesse de stockage embarqué, tous ces détails qui font la différence au quotidien sur un type de machine qu'on a tous envie d'avoir. Bien sûr, parce que ça fait tablette, quand t'es à la maison ça fait tablette, puis tu peux l'utiliser en PC, t'as un mail à envoyer, tu veux écrire un mail, allez hop, tu branches le clavier, ça fait PC. Ouais, c'est génial. Et vraiment... appelles comment toi les... Les mails. Les mails. Ouais, t'appelles ça comment toi? Un mail. Un mail, ok, j'ai tout à revoir avec toi. Parce qu'il y a un mail. Un mail. Effectivement, c'est très pratique le PC tablette Acer One 10. Comment on fait pour le gagner, Kaufman? Vous envoyez 2 lettres. Ah, 2 lettres. On n'a pas su faire plus court. Ouais. PC au 6322. Ok. C'est 1€ par message. Dans moins de 60 minutes, dans moins d'une heure, qu'est-ce qu'on va faire, nous? On va le faire. On va dire à notre ordinateur, sélectionne-nous un gagnant parmi tous ceux qui ont joué. Ok. Vous envoyez PC au 6322, c'est 1€ par message avant, dans l'heure qui vient, là, on l'a fait gagner. C'est sûr, c'est certain. Ouais. Elle part aujourd'hui. Envie de participer, envie de faire plaisir à quelqu'un, envie de vous faire plaisir. Vous avez envie de cet Acer One 10? Bien sûr, Vous envoyez PC au 6322, c'est 1€ par message, on ne vous le répétera jamais assez. Ouais, c'est un magnifique cadeau qu'on vous offre toute cette semaine et aujourd'hui en particulier. Vous envoyez PC au 6322, 1€ par message. On l'offre dans moins d'une heure. Il vous reste moins d'une heure pour la gagner. PC au 6322, 1€ par message. Pour la suite de l'émission, ça se passe avec le Blackjack. Il y aura également un chiffre du jour, Laurence. Alors en Belgique, vous êtes 6,7 millions à le faire, mais quoi? Ok, on découvrira ça tout à l'heure. Il y a également le Fun Game, Kaufman. Oui, on fera gagner le jeu Technomancer. Alors, qu'est-ce que c'est Technomancer? J'allais te poser la question, Kaufman. Je sais, on doit gagner un peu de temps. Hein. Technomancer, c'est un RPG de science-fiction. En fait, vous incarnez Zach qui souhaite devenir un technoman. Qu'est-ce que c'est un technoman? C'est des guerriers mages capables de maîtriser des pouvoirs électriques. Ouais. Et dans cette aventure, ce qui est très sympa, c'est que vous allez être confronté à des choix. Ouais. Vous allez devoir faire des choix, okay, parfois difficiles. Mais c'est toute la magie de Technomancer. Vous évoluez dans un univers assez magique, dans lequel vous menez des combats, dans lequel vous faites des choix. C'est une chouette histoire. C'est un studio français qui a monté le jeu. Et on vous l'offre. C'est garanti, hein. D'accord. C'est sûr aussi, ça. Oui, vous aurez un code dans très peu de temps, histoire de même pas attendre le jeu dans votre courrier. On vous le file sous un code et puis vous le chargez directement, que vous ayez une Xbox One ou une PS4. Et ça se fera aussi aux alentours de 20h. Ah, ok, très bien. Plein de cadeaux à vous offrir, donc on a le jeu qui est disponible sur PS4, PC, PS4 et Xbox One, je viens de le dire, tu ne suis pas là. Excuse-moi, il est fatigué. Je rappelle aux gens, PS4, Xbox One, c'est bien ça, Technomancer. Ah, ça c'est bien. Ah, t'as vu, j'ai retenu le titre, hein, comme ça quoi, bien, je progresse. Bien. Allez, il est 19h, c'est l'heure des infos. Fun Radio. Les infos, c'est avec Carlo. Salut Carlo. Salut David. Salut à tous. Le pèlerinage de Banneux, c'est le 15 août, jour de l'Assomption, puisque c'est dans ce village des Ardennes que la Vierge serait apparue à plusieurs reprises en 1933. Et comme chaque année, le jour de la fête de Marie, des milliers de personnes se rendent à Banneux pour prier, même que de nombreux musulmans sont attendus également. Et ça, c'est pas du tout une conséquence du meurtre d'un prêtre en Normandie par des islamistes. On se souvient que dans la foulée, des musulmans s'étaient rendus dans des églises afin de prier aux côtés des chrétiens. Mais il se fait qu'à Banneux se rendent chaque année, depuis 20 ans, de nombreux Kosovars qui ont fui la guerre ayant secoué l'ex-Yougoslavie dans les années 90. Or, ces gens sont généralement musulmans. Mais au Kosovo, figurez-vous qu'on fête Marie le 15 août en tant que mère du prophète Jésus. Parce qu'il faut quand même rappeler que dans l'islam, Jésus est considéré comme un prophète. Les Kosovars de Belgique ont donc conservé cette tradition. À propos de réfugiés, mais beaucoup plus récent cela, la chancelière allemande Angela Merkel mérite sans doute le prix Nobel de la paix pour sa politique d'accueil vis-à-vis des damnés de la Terre, d'autant plus qu'elle sait bien que politiquement, cette générosité risque de lui coûter cher, mais elle reste fidèle à ses convictions humanistes et c'est tout à son honneur. Le problème, c'est que dans la population allemande, mais il n'y a pas que des humanistes, hein, et c'est ainsi que le nombre d'incendies criminels contre des centres d'hébergement de réfugiés a fort augmenté ces derniers temps. Un tel incendie vient de faire encore 22 blessés légers dans le centre de Witzenhausen, dans le Land de Hesse. Le feu s'est déclaré dans la cave du bâtiment, mais on ignore toujours s'il est d'origine criminelle. Au football, le Real Madrid a remporté hier soir le premier trophée de sa saison, à savoir la Supercoupe d'Europe, aux dépens du FC Séville. Mais ça a été tout juste. Hein. Les Madrilènes, menés 2-1, ont égalisé dans les arrêts de jeu avant d'inscrire le but de la victoire lors des prolongations. Visiblement, le Real adore jouer avec les nerfs de ses supporters. Lui qui a remporté la dernière Ligue des Champions au tir au but face à l'Atlético Madrid. Et il y a 2 ans, toujours en finale de cette compétition et toujours face à cet adversaire. C'est aussi dans les arrêts de jeu que le Real avait égalisé avant de faire facilement la différence en prolongation. Enfin, notre judoka Dirk Van Tickelt se souviendra très longtemps de la journée de lundi, une journée plutôt mouvementée. Elle avait très bien commencé avec une médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Elle s'est un petit peu moins bien terminée, à savoir à l'Hosto avec un œil au beurre noir. Van Tickelt se promenait en fait sur la plage de Copacabana avec son sparring partner et une fille qu'ils avaient rencontrée. Le copain s'est alors aperçu qu'elle lui avait piqué son GSM et lui ont couru derrière, mais elle s'est planquée dans un hôtel dont l'entrée était gardée. L'ami de notre champion, qui tenait à récupérer son téléphone, a alors cherché à forcer le passage. Il y a eu bagarre et c'est en voulant séparer tout le monde que Dirk Van Tickelt s'est pris un coup, mais rien de bien grave, un petit coquard à l'œil gauche. La boxe après le judo en quelque sorte. Fun. Fun Radio. Dans quelques minutes, c'est le jeu du blackjack. Mais là, on fait un point sur la météo. Carlo, quel temps pour demain? Une journée toujours maussade demain, pas plus de 14 à 18 degrés, de nombreux nuages et des ondées assez régulières sur l'ensemble du territoire. Voilà, tous une excellente soirée. Je vous retrouve demain midi et vous laisse en compagnie de David et de David Guetta. Salut. Fun. Fun Radio. Fun Radio. Ah là, c'est énorme. Rejoignez tous les millions de fans de Fun Radio. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Le son Dance Floor. Toute la journée, partout. Suivez Fun Radio. Le son Dance Floor. Let's go. C'est que du fun entre 17h et 20h sur Fun Radio. Le son dance floor continue avec Justin Timberlake sur Fun Radio. Dans quelques minutes, on fera le plein de cadeaux parce que Kaufman offre un jeu vidéo, c'est bien ça? Oui, on offrira un Technomancer sur PS4 ou Xbox One. Ça tombe avant 20h, je vous l'offre. En plus, c'est un code qu'on va vous filer, donc même pas besoin d'attendre le jeu, juste le code. Et puis ensuite, le tour, il est joué. Très bien, il y aura également le PC tablette Acer One 10. Vous envoyez PC au 6322, 1€ par message. Il y aura forcément un gagnant d'ici 20h. Là, on joue au jeu du Blackjack avec Alexandra qui est avec nous. Salut Alexandra. Salut David. Ça va bien Alexandra? Mais ça va très très bien, merci. Bah en pleine forme, il y a Kaufman qui est avec moi. Il y a Laurent. Oui, bah oui, pardon. Bonjour Laurent, bonjour Kaufman. On a l'impression de sentir le pâté, mais c'est pas grave. Et tu viens jouer au jeu du Blackjack, je te dévoile des cartes une par une. Pour dévoiler une carte, t'as qu'à me dire encore. Et si la somme des cartes est comprise entre 18 et 21, tu gagnes un pack fun. Mais si tu tombes sur 21 piles, tu gagnes un jeu vidéo. Olé. Ok. Ah bah on espère, hein. Allez, c'est parti. C'est parti, première carte, c'est un 6. On continue? Ah oui. Très bien, deuxième carte, c'est un 2, 6 plus 2, 8. 8. On continue? On continue. Très bien. Troisième carte, c'est un 4. 12. On est donc à 12. Oui. On continue? Ben oui. Bah bien sûr, oui. Dis, idiot. Idiot, oui, 12, on n'est pas entre 18 et 21, très bien. Autre carte, c'est un 5. On est donc 17. À 17. Ah, on n'est pas loin. Ah, on n'est pas loin. Ouais. On continue, bah forcément. Ouais, t'es obligé de continuer. Ouais. On continue. La prochaine carte... peut-être décisive. Je propose Denis Brogard. C'est un 2. 17 plus 2 19. 19. C'est donc un pack fun pour l'instant. Est-ce que tu vas tenter le coup de 21 pour gagner un jeu vidéo? Non. Ben non, parce que le 2 est bien sorti, donc je peux plus faire 21. Ah, attends, mais il y a plusieurs 2 dans mon jeu. Hein. Je vais même te dire, il y en a même 4. Ouais, il y en a 4. Non, non, je tenterai pas, moi. Non, moi non plus. Conseil, moi je t'en dis. Oui. Oui, je pense. Je vais prendre le conseil féminin. Je pense que j'arrête là. Ça, je m'entends. Tu t'arrêtes, Alexandra. Je valide ton choix. Oui, allez. Jean-Pierre. Choix validé. On va quand même découvrir la prochaine carte. Et la prochaine carte était un 10. Donc t'as bien fait. Effectivement. Voilà. Tu repars avec merci un pack fun. De rien, avec grand merci plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À plus tard. À plus tard. Bisous, bisous. Bisous. On prend tes coordonnées en antenne. Ne bouge surtout pas, Alexandra. D'accord. Okay. Merci beaucoup à vous trois. Merci à moi. De rien, Alex. Bisous, bisous, Alexandra. Pour la suite, ça se passe avec la PC tablette Acer One 10 à vous offrir. Également le chiffre du jour, Laurence. Mais oui, en Belgique, vous êtes 6,7 millions à le faire. Mais quoi? 6,7 millions, c'est beaucoup. On en parle juste après. Justin Timberlake sur Fun Radio. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. My eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes nowhere to hide, when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't need control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop, stop. When you dance, dance, dance. Feel a good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Fun Radio, le son dance floor. Dance floor. Can't be sleeping, keep on waking without the woman next to me. Guilt is burning, inside I'm hurting. This ain't a feeling I can keep. So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Maître Gims débarque sur Fun Radio. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Dans moins de 45 minutes, on vous offre Lacer One Ten, c'est une tablette, c'est un PC, c'est un mix un petit peu entre les deux. Vous avez un clavier, vous mettez le clavier, ça devient un PC. Vous l'enlevez, ça devient une tablette. L'écran fait 10 pouces, c'est un magnifique PC de tablette. Vraiment, Kaufman, t'as pu le tester toi, et c'est un super cadeau qu'on vous offre. Ah oui, c'est vraiment un petit bijou technologique. Hein. Si vous n'avez pas la chance d'avoir un PC, parce qu'il y en a encore en Belgique, il y a des familles qui n'ont pas forcément d'argent pour acheter un PC et encore moins une tablette. Eh ben, on vous offre la solution pour avoir les deux en même temps et c'est plutôt ça qui est cool. Fun Radio pense à vous pendant tout l'été, que vous soyez pas en vacances, vous n'ayez pas la chance de partir, ouais, que vous soyez déjà revenu aussi, hein, on pense aussi à cela. C'est bientôt la rentrée, vous aurez peut-être besoin de cet outil-là pour les cours de vos enfants ou pour commencer à regarder des films. Eh ben, on vous offre l'outil le plus pratique du marché, le Laser OneTen. Pour la gagner, c'est très simple. Vous envoyez deux lettres, PC au 6322, c'est 1€ par message. Et en plus, vous pourrez absolument tout faire. Elle est connectée, connectable, puisqu'elle a plein de connexions. Hein, tu vois, trois fois connexion dans la même phrase. Avec le Wi-Fi, le Bluetooth 4.0, le clavier et son port USB et son port mini USB si vous avez des périphériques qui utilisent le micro USB, l'HDMI, la carte mémoire, micro SD, la batterie qui va bien, les deux appareils photo avant, arrière, 2 millions de pixels. Vous n'êtes pas en reste ? Eh bien, nous non plus. On vous l'offre. PC au 6322, c'est 1€ par message avant 20h. Dans moins de 45 minutes, fait. C'est ça. Eh bien, on accomplira notre mission, celle de vous rendre heureux. C'est ça. C'est celle qu'on s'est fixée d'ailleurs depuis début juillet, là. On vous a pas lâché un seul jour et ça continuera jusqu'au 19 août. Après quoi, eh bien, nous laisserons notre place aux champions, hein, à ceux qui reviennent en forme. Je les ai vus, ils sont motivés, ils sont contents, ils sont heureux. La POA revient en force sur Fun Radio à partir du 22 août. Notez-le bien, il y a plein de nouveautés et je vous le disais hier, hein, mais le répétez pas à votre voisin. Non, faut pas le répéter. Il y a une nouveauté culinaire dans la POA. Ah, je suis au courant aussi, ouais, c'est bien. Ah, ça me donne faim déjà. Ah oui, j'ai hâte d'y être. Pour la suite de l'émission, ça se passe avec le chiffre du jour, Laurence. Alors oui, en Belgique, vous êtes 6,7 millions à le faire, mais quoi ? Ben, on aura la réponse tout à l'heure. Très bien, et le son de Maître Gims sur Fun Radio. Cet été, tous les DJs sont sur Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. Maeva Carter, Miko C et Adrien Thomas mixent tous les plus gros tubes et les meilleures nouveautés en non-stop. Welcome in the biggest clubbing club. Party Fun. Party Fun. L'émission club de référence en Belgique. C'est sur Fun Radio. Dis le vos. Où est les mens? Écoute une fois. Ça, c'est un grillon mâle qui cherche une femelle, vieux. Juste. Et ça? Ah, mais ça, c'est une grillade qui cherche sa bernesse. Et tu sais ce qu'elle dit, la grillade? Oui, grillon! Oui! La bernesse qui donne du goût aux grillades. La voilà! De vos les mains. À table! Le son Dance Floor. Fun Radio. C'est Fun Radio. Fun Radio. I'm rolling down the river. My worries drown. Say that I'm a sinner, but I won't let you down. Long nights, chasing the stars till the sunrise. Out of the blue, under blue skies, I saw the shape of my heart. Every time I hear the music play, every time I hear you say my name, when the air is filled with summer rain, I can feel the love, I can feel the love, I can feel the love. I can feel the love. Oh,

Je vous sers Era et Streffy pour la suite du son Dance Floor. Dans quelques minutes, on fait le plein de cadeaux, Kaufman. Oui, on va vous offrir, dans 5 minutes. Ouais. Le jeu Technomancer, que vous ayez une PS4 ou une Xbox One, c'est pour nous, c'est cadeau, c'est que du fun. Et après ça. Roulement de tambour. Ah, dis-moi tout. On vous offre la Acer One 10, la tablette qu'on rêve tous d'avoir. Ouais. Celle qui va contenter toute votre famille, vos amis, enfin, n'importe qui passe à la maison pourra servir de cette tablette. Pourquoi ? Parce qu'elle vous permet d'ajouter plein d'utilisateurs et donc chacun son petit écran, pas besoin de partager. Vous, c'est un peu comme si elle appartenait à tout le monde en vérité. Et elle est à gagner là tout de suite dans moins de 30 minutes. On la fait partir chez quelqu'un. Vous envoyez PC au 6322, PC au 6322, c'est 1€ par message. Il y en aura encore cette semaine. Ah ouais, bien sûr. Mais ça serait quand même dommage de passer à côté ce soir. C'est ça, exactement. PC au 6322, 1€ par message. Et là, place au chiffre du jour avec Laurence. Alors oui, à votre avis, les gars, que font 6,7 millions de Belges ? 6,7 millions. Ouais. C'est beaucoup quand même. Kaufman, hein. Ouais. T'as une idée ? Ils boivent de la bière. Non. Non, allez-y au 3044 pour nous aider. Est-ce qu'ils jouent à Candy Crush ? Non. Non plus, Kaufman. Est-ce que ils conduisent mal ? Ils conduisent non. mal ? Non plus. Ils mangent des gaufres ? Non. Non. Vous êtes des frites ? Ah, des frites non, peut-être. Mais vous êtes loin, vous êtes loin. Allez-y au 3044 pour nous aider. Au 3044, on dit lire. Non, pas non, du tout. Non, plus c'est pas ça. Est-ce que c'est se nettoyer le nez en voiture ? Non, pas du tout. Non, non plus. Bon appétit si vous passez à table. Je sais pas, je cherche, tu vois. Ok, est-ce que c'est un truc technologique ? Non. Non plus ? Est-ce que c'est aller au cinéma ? Non. C'est un divertissement ? Oui et non. Pas okay. vraiment. Non. Ouais, Kaufman, t'as une idée, toi, quoi ? 6,7 millions. Ils partent en vacances. Ah non. Ouais, partir en vacances. On me dit au 3044, regardez la télé le matin. Non, mais je peux donner un indice. Ah, dis-moi. Faut avoir plus de 18 ans. Faut avoir plus. Le casino. Aller au casino. Non, mais presque. Aller au peep show. Non. Non plus. Est-ce que nous, on le fait autour de la table, Kaufman ou moi ? Oui. On le fait. Kaufman, je sais pas. Toi, je sais que tu l'as fait, oui. Je l'ai fait quand ? Aujourd'hui. Aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai joué au loto. Oui. C'est ça ? C'est ça. C'est pour ça. Ah oui, d'accord. Il y a 6,7 millions de Belges ouais. qui jouent. Chaque année, 6,7 millions de Belges jouent. Et aujourd'hui, comme tous les mercredis, je pense qu'il y en a plein qui vont encore espérer gagner le gros lot. En plus, aujourd'hui, c'est 1 million 500 000 euros ouais. qu'on peut gagner. Et donc du coup toi t'as joué Kaufman, je sais pas s'il a joué. Non moi j'attends qu'il gagne, il partage quoi qu'il en soit. C'est vrai que c'est pas comment ça comme technique. Il y a beaucoup qui jouent au final donc. Il y a beaucoup qui jouent. Il faut savoir que depuis 1978, donc la date de création de l'auto, 1500 chanceux ont remporté au moins 500 000 euros. Ouais. Et 500 d'entre eux ont remporté le million. Ah quand même, c'est quand même beaucoup hein. Alors, en tout cas, un indice sur si tu gagnes demain, c'est que si je me retrouve tout seul, c'est qu'il a touché le pactole, le magot hein. Et je ne partage pas avec toi Kaufman. D'accord. C'est dit. Pour la suite, le fun game, on va parler de quoi ? D'un jeu vidéo ? Je sais pas, je vais aller jouer au loto. On a un jeu vidéo. On va faire gagner Technomancer. C'est dans 4 minutes que ça va se passer. Juste après, Era et Streffy. Avec Bonne Bonne sur Fun Radio. Juste après, on offrira également la PC tablette. On a plein de cadeaux à vous offrir jusqu'à 20h. Restez bien branchés, c'est que du fun. Jusqu'à 20h, les amis. Partire io, e dove tu ne fai? Le son dance floor continue avec Autonose. Allez, place au cadeau avec Kaufman maintenant. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games avec Kaufman de Smart Toys. Un jeu vidéo à offrir. Oui, peut-être que le titre de Technomancer ne dit rien. Parle non, pas. Non, pas vraiment. Non. Je vais vous expliquer de quoi il en retourne. Ah. Technomancer, c'est en fait un jeu de rôle matinée de science-fiction. Vous incarnez Zach, qui souhaite devenir un technomant. Qu'est-ce que c'est un technomant ? C'est un guerrier mage capable de maîtriser des pouvoirs électriques. Ok. À partir de là, votre initiation va vous mener dans l'un des vestiges des premières colonies humaines sur Mars. C'est un décor complètement science-fiction, dans lequel il y a du combat, dans lequel il y a des choix. On le compare souvent à un autre jeu du même genre qui s'appelle Mass Effect, dont on a beaucoup parlé cette année sur Fun Radio, puisqu'il y a un prochain épisode en préparation qui s'appellera Mass Effect Andromeda. Et ça ressemble beaucoup à ce jeu-là parce qu'il propose les mêmes mécaniques de jeu de rôle, à savoir que vous faites des rencontres d'autres personnages, que vous devrez définir si c'est un ami, si vous le prenez un ami, si c'est un ennemi. Okay. Vous devrez faire des choix moraux, peut-être tuer même pour votre bien, pour votre santé. Et en tout cas, il y aura du combat, il y aura de l'action. C'est un jeu qu'on va vous offrir soit sur PlayStation 4, soit sur Xbox One. Et vous aurez le code d'ici demain, quelques heures après. Okay. Et donc, vous pourrez le télécharger directement sur votre console, histoire de ne pas perdre de temps, tu vois. Très bien, on fait bien les choses, nous. Ouais, c'est parfait. Ouais, oui, on fait bien les choses. Merci, en plus, dans quelques minutes, là, c'est... C'est la tablette qui va tomber. Il y a plein de cadeaux d'ici une demi-heure. Là, on offre donc le jeu vidéo maintenant, c'est ça ? On l'offre maintenant. Alors, on va pas se casser la tête mille ans parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et qu'on a d'autres cadeaux en plus offrir. Ce que je vais proposer, c'est que vous allez nous envoyer un SMS. Le SMS, c'est jeu, J-E-U. Vous l'envoyez au 63-22. Ok. À mon top, vous l'envoyez. C'est 1 euro par message, je vous le rappelle. Et le premier qui va l'envoyer, tout simplement, eh bien, gagnera le jeu sur PlayStation 4. Ou Xbox One. Très bien, faut donc envoyer jeu, c'est ça ? J-E-U. Et vous repartez avec Technomancer, qui est un jeu, un action RPG sur PS4 ou Xbox One. Ok, ça se passe seulement à ton top, c'est bien ça, Kaufman ? Exactement, ouais. C'est seulement à ton top, Kaufman. Ok, tu le prends ton temps, tu le fais quand tu veux, ok ? D'accord. Je te laisse l'intro d'Autonose pour le faire, tu n'as 15 secondes pour le faire, quand tu veux. Dès que tu auras donné le titre, je donnerai mon top. Ok, Autonose avec Back Where I Belong. Top. Allez, c'est parti. Vous envoyez jeu maintenant 6322 pour gagner le jeu de Kaufman. On prend gagnant juste après. Step off the train at dawn, back in the place where I was born. It's been 10 years since I've been gone. It took me 10 years to know I'm wrong. Until you know what life can buy. You know I hope the world's been kind. Hope you can see it in my eyes. That I La suite du Sundance Floor, ça se passe avec Moom. Et Kaufman offre des cadeaux aujourd'hui. Hein. Oui, on offre le jeu Technomancer, un jeu d'action, un jeu de rôle. Vous vous retrouvez sur Mars, vous devez enquêter, vous vous battez. Et je pense qu'on a le gagnant en ligne. Effectivement, il y a Adèle qui est avec nous. Salut Adèle. Salut. Salut Adèle. Salut Adèle. Alors, tu nous appelles d'où Adèle? Je vous appelle de oui. Tu as quel âge ? J'ai 24 ans. 24 ans, tu as quoi comme console ? J'ai une Xbox One. D'accord, et tu as envoyé quoi au 6322 ? J'ai envoyé jeu. Eh ben on va vérifier si t'as été le premier à faire ça. Fun Radio ! Bravo ! Bien joué Adèle ! Tu repars avec le jeu, c'est ça ? Exactement, oui. Ça t'est offert par Smart Toys et demain, check bien ton mail parce qu'à mon avis, tu vas recevoir le code dès demain histoire de pouvoir le télécharger sur ta console. C'est oui. Pour nous, c'est cadeau, c'est que du fun, t'es content ? Je suis très content, merci. Yes. Alors, on t'en prie, Adèle. De rien, Adèle, de rien, Adèle. Bisous, bisous, bonne soirée, Adèle. Également à vous, au revoir. Non, non, Adèle. Bisous, bisous. Pour la suite, on a encore du cadeau. Comme à vous, bonne soirée. Oui. Ouais, merci, salut, c'est gentil, Adèle. Encore du cadeau à gagner. Ah bah là, c'est la dernière ligne droite, puisque dans moins de 5 minutes maintenant, la tablette Acer One 10 va trouver son nouveau propriétaire. La tablette avec des performances quand même plutôt sympathiques qui vous permettra de regarder la vidéo HD en 1080p, de lancer des jeux en 3D, de lancer des jeux en 2D et pour couronner le tout avec une autonomie de batterie, mais alors là, exceptionnel. Ah ouais, ouais. Franchement, pour une tablette, vous n'allez pas être déçu. Vous pourrez en plus augmenter son stockage à l'aide d'une carte micro SD. C'est maintenant qu'il faut participer parce que dans 5 minutes, la tablette part vers son nouveau propriétaire. Vous envoyez deux lettres, PC au 6322. Fun Radio, c'est la radio des plus beaux cadeaux. Pendant tout l'été, on l'a prouvé. Et l'été n'est pas fini, croyez-moi. Semaine prochaine, c'est la voiture. Mais en attendant, c'est la tablette Acer One 10 à gagner au 6322. Vous envoyez PC au 6322. C'est 1 euro par message. Et dans 5 minutes, elle s'en va, elle part. Elle a déjà fait ses valises, elle est prête à partir. Et ça vous envoyez PC au 6322. Je vous laisse le temps de môme, c'est-à-dire 3 minutes et 33 secondes pour envoyer PC au 6322. C'est 1 euro par message. C'est une magnifique tablette, un magnifique cadeau qu'on vous offre sur Fun Radio. Allez-y, PC au 6322. Fun Radio présente Party Fun Live avec Kid Noise, vendredi 12 août à Malève-Sainte-Marie. Party Fun Live.

Major Lazer, Justin Bieber, ça débarque sur Fun Radio dans quelques minutes. Et c'est le moment de savoir qui a gagné le PC, la tablette qu'on offre aujourd'hui. Et j'accueille André qui est avec nous. Salut André. Salut, comment allez-vous? Salut André. Ah, ça, ça va très bien André. Donc, t'es en pleine forme, tu fais quoi de beau André? Pour le moment, je vais chercher ma femme au travail. Ah, ah sympa, c'est gentil, ça. Galant le monsieur, dis donc. Ouais, il a le bon rôle, il en faut pas une et il va chercher madame qui travaille. On sait pas, ça dit donc. Exactement, vous avez compris. Moi, je les connais, les bonhommes. Il dis-moi. Et c'est comme on a toujours dit, les femmes au turbin et l'homme au café. Hein. Exactement, bien moi, je suis pas trop d'accord, mais on va dire en tout. André, t'as envoyé quoi, 6322? J'ai envoyé PC. T'as envoyé PC, on vérifie. Bravo André, tu repars avec le PC tablette. Ouais, la Acer One 10 c'est pour toi. T'avais déjà un PC, t'avais déjà une tablette à la maison? J'ai un PC qui a maintenant 10 ans. Donc il est détendu. Tu sais quoi, ce soir tu peux en faire un feu de joie, tu peux le jeter à la poubelle. On t'envoie très vite ta tablette, la Acer One 10, tu vas voir. Tu nous fais une petite photo, tu nous fais un petit selfie avec la tablette. Tu nous envoies ça sur Facebook, sur Fun Radio. Et nous on publie tout ça. Tu vas voir, tu vas être le plus heureux des hommes. Et un petit conseil, laisse madame aller bosser. Parce qu'avec la tablette, le besoin de madame. Elle ne l'aura pas pour elle, chérie. André, moi on est potes. Hein. Moi je te dis, je fais tout comme lui, je laisse madame aller travailler, je garde la tablette pour moi. André, on se check. Il est à fond, André. Bonne soirée, okay. André. Bonne soirée, allez, André. Bisous. Oui, toi aussi, merci. Hein. On prend tes coordonnées. De rien. Avec plaisir. On prend des coordonnées en antenne, ne bouge surtout pas, André. Pour la suite de l'émission, ça se passe avec le nouveau Major Lazer, Justin Bieber. Puis après, Liam Summer. Il y a également les meilleurs moments de la P-Hour. À 20h, c'est Party Fun qui prend le relais. Et nous, on se retrouve demain, 17h. Bonne soirée, Kaufman. Bonne soirée, à demain. Dors bien, bonne nuit. Hein. Je crois que t'en as besoin. Ouais, aujourd'hui, je fatigue. Bonne soirée, Laurence. Bisous, David. À demain, 17h. Ciao. À plus. Écoutez, ça s'est passé dans la Happy Hour avec Audrey sur Fun Radio. C'est le PB Blind sur Fun Radio. Je m'excuse. Non mais t'excuses pas, non mais il faut qu'il arrête quoi. Ouais, tu vois, il me fait dire des gros mots, c'est parce qu'il me saoule. Depuis tout à l'heure, il fait le dindon, il est content, oh. Il a trouvé un truc, ça y est quoi. Mais sérieux, ta gueule. Ta gueule. Ferme ta gueule bien fort. Très fort comme ça, tu vois. Et j'ai de la clé. Ouais, merci. On va lui faire du mal si ça continue. Sérieux, demain on fait un barbecue sur le parking de la radio. C'est quoi, je vais lui cramer sa saucisse s'il commence à me saouler ça. La tête, je lui prends la tête dans le. Vas-y, tout, on met tout dans le barbecue. On fait un croque Sandro. Une nouvelle recette made in Fun Radio, oui, ça c'est bon. Ouais, bon, c'est parti en mode baby blind dans l'émission. Il y a du cadeau à la clé, il y a du pack fun. J'ai l'impression d'être dans une émission de ce genre, comment on appelle ça? Les trucs où tu vends des trucs sur. Le shopping. Voilà, télé-shopping. Ouais, on vend un enfant. On vend pas d'enfants. Par contre, il y a des enfants, c'est vrai, qui sont venus dans le studio. Ils sont repartis sains et saufs, rassurez-vous. Pas tous, parce que Fab en a gardé quelques-uns chez lui. Mais bon, pour les autres qui sont partis, tant mieux pour eux. Alors, on leur a mis un petit casque sur les oreilles, on leur a demandé de chanter ce qu'ils entendaient. C'est du son version Dance Floor, a priori, des fois on craque un peu, on met des musiques un peu ringardes. C'est à vous de retrouver le titre ou alors l'artiste qui chante ce Baby Blind à l'époque. C'est quoi cette musique? C'est la musique de Téléshopping. Bon, allez, écoutez bien le Baby Blind si vous avez une idée de la réponse. 3044 pour vos messages. Mama, ça va, Léo. Mama, ça va, Chéo. Voilà, ce n'est pas Léo. Une pub. Aucune langue tu maîtrises, toi. Je sais pas ce qu'il dit, mais c'est un truc comme ça. Ce n'est pas Léo, Kéké au standard. Mais moi, je sais vraiment pas du tout. Merci, tu sers à rien, Sandro. Est-ce que c'est un groupe français? C'est un groupe français, ouais. On en a parlé dans l'émission pour les fidèles. On en a parlé? Ouais. Les fidèles de quoi? Les fidèles de Fun Radio, quoi. Ah, d'accord. Bon, allez, réécoutez parce qu'on fout le bordel ici. Si vous avez une idée de la réponse, 3044 pour vos messages et vous repartez avec du pack fun. C'est parti. Nous aussi, on est fous. Maman, ça va, Léo. Maman, ça va, Chéo. On est beau. Oh, oh, oh, oh. J'avoue que celui-là, franchement, il est pas facile. Alors, il est tellement pas facile que je vous filerai un énorme cadeau Fun Radio si vous arrivez à trouver la bonne réponse. Allez-y, c'est parti, 3044 pour vos messages. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Nouveau tube Fun Radio. Yo, what's up everybody, this is Major Lazer. And this is our brand new single. Tu préférais commence sur Fun Radio. Yeah, Fun Radio. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right. Au bord de la plage, branchez sur Fun Radio. Quand vous écoutez Fun Radio, vous êtes en vacances. En vacances. Fun Radio. C'est ça.